بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في الحديث 56 56 حديث toujours dans ce chapitre de فضل صلاة الجماعة وجوبها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه لو إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ولا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة. متفقون عليه طبعا. Donc selon Abu Huraira radiallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la salat de l'homme en groupe est plus, a plus de valeur que sa salat seule dans sa maison ou dans son lieu de travail, c'est-à-dire au souk. Quand même, celle-ci se décuple de 25 degrés. Également dans une version 27 degrés. Et cela, c'est-à-dire cela, justement, ça se réalise à quel moment, que si jamais il fait ses ablutions et qu'il les fait bien, ensuite il sort vers le masjid, et la seule chose qui le fait sortir du masjid, c'est la salat, qu'il ne fait pas un pas sans que celui-ci lui cause d'être levé en degrés, et qu'une de ses fautes lui soit absous. Péché, les petits. Et que lors, une fois qu'il a fait la salat, les malaïka ne cessent de demander pardon pour lui. Il dit salat et malaïka, ils font salat sur lui, c'est-à-dire qu'ils demandent pardon pour lui. Tant qu'il reste dans le lieu où il a fait la salat, ils disent ô Allah, salli ali, c'est-à-dire ô Allah, fais son éloge. Ô Allah, irfir lahu, ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, rahamhu, ô Allah, fais-lui miséricorde. Et qu'il ne cesse d'être en état de salat tant qu'il attend l'autre salat. Non. Fayakul Fadilat al-Sheikh ibn al-Thaymin rahimahullah ta'ala. Rawi Abu Huraira. Sabakat tarjamatuhu fil hadith al-Thani. Donc le rapporteur c'est Abu Huraira et sa tarjama est citée dans le deuxième hadith. Yakul Moudou al-Hadith bayen fadl al-Salat fi jama'ati. Wa sabab dhalika al-Fadl. Le hadith vient montrer justement le mérite de la salat en groupe et la cause de ce mérite. Fayaqul fi sharh al-ijmali, le sens global du hadith. L'ijtima' mashru' fi al-ibadat shan kabir 'inda Allah ta'ala wa fawaid kathira, ijtima'iyya wa fardiyya wa diniyya wa dunyawiyya. Donc là, il dit comme la dernière fois que justement les rassemblements légiférés pour les adorations ont une chose qui a une grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal et plein d'avantages sociaux ainsi que individuels ainsi que religieux ainsi que mondains. وفي هذا الحديث يحدث ويحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتبين به فضل ذلك وأسباب ذلك الفضل. Et dans ce hadith, Abu Huraira nous raconte justement ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a clarifié comme mérite de cela et les causes qui amènent à ce mérite. حيث ذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الجماعة في المسجد تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه اللذين يغرب فيهما عدم صلاة الجماعة بخمس وعشرين ضعفا. Donc dedans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous cite que la salat de l'homme en groupe, au masjid, est meilleure que sa salat, seule dans sa maison, ou dans son lieu de travail, dans son souk, du fait que, fréquemment dans ce genre de lieu, on ne trouve pas de groupe, de jama'a. Et celle-ci est meilleure de 25 degrés, en plus. C'est-à-dire elle est 25 fois meilleure que la salat seule chez lui. ثُمَّ يَشْرَحْ أَسْبَبْ ذَلِكَ التَّضْعِيف. Et ensuite, il a cité justement les choses qui amènent à cette multiplication de la récompense. Naam. Taïb. Et on précise dans ce qu'il dit dans le hadith que ce hadith ne dit pas qu'il est permis à l'homme de ne pas comprendre ce hadith, qu'il est permis à l'homme de faire la salat seul chez lui ou dans son lieu de travail. Et que cela est juste moins bien que la salat en groupe. Là, en liant d'autres hadiths, on voit que cela est obligatoire pour lui d'aller faire la salat dans le masjid en jamara. Cependant, ce hadith est à comprendre que dans le sens ou dans le cas où il ferait sa salat seul chez lui et qu'il est excusé, ou qu'il serait bloqué à son travail à faire la salat seul chez lui, qu'il est excusé, qu'il sache qu'il perd une grande récompense par rapport à la salat en groupe. C'est ça que ce hadith veut dire. Et non pas, fais chez toi, mais si tu fais chez toi, tu auras moins. Fais sur ton autre travail, mais si tu fais sur ton autre travail, tu auras moins. Il ne faut pas comprendre comme cela. Il faut lier avec les autres hadiths qui ont démontré l'obligation de la salat en groupe pour l'homme. Donc ça amène à comprendre le hadith de la sorte. Que juste, si tu es amené à faire ta salat seul chez toi, sache qu'elle a moins de valeur que celle qui est en jamara, dans le cas où tu es excusé. Car des fois, des gens sont excusés comme le fait que le masjid est un peu loin de chez lui, d'une distance qui l'empêche d'entendre l'azan, masalan. Donc, à ce moment-là, il lui permet de faire chez lui. Mais on se dit que si Amil avait marché et s'était rendu à la salat en jamara en groupe, cela aurait été encore plus de valeur pour lui, sans compter les pas qu'il aurait fait et les alikas. C'est-à-dire, ça aurait été pour le mustahab à ce moment-là et qu'il aurait beaucoup, beaucoup plus de récompenses pour lui. Wa kaza. Allahu ta'ala alam. Donc, les causes qui amènent justement à cette augmentation de la récompense, c'est déjà en premier lieu qu'il sorte de chez lui en étant avec l'ozo. Et en le faisant bien, comme le hadith le stipule. Qu'il sorte pour se rendre au masjid avec une niya de se rendre seulement là-bas pour faire la salat. Ça a les fins ? Qu'il justement se hâte d'aller faire la salat qui lui était prescrite. Et que chaque pas qu'il fait lui vaut d'être levé en degré et lui permet de voir une de ses fautes effacées. Wa'akaza. Et quatrièmement, qu'il ne cesse d'être en état de salat tant qu'il est dans l'attente de la salat qui suit. Par exemple, il a fait le asr, il va attendre le maghreb, il reste dans le masjid, et bien il est considéré comme étant en train de faire la salat tout le temps où il est assis dans le masjid. Ou entre le maghreb et le isha. Et on parle dans le cas de quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire, par exemple. Maintenant, s'il a un travail ou quoi, c'est autre chose. Mais celui qui a du temps libre et qui peut se permettre de faire cela, c'est la meilleure pour lui. Plutôt que d'aller perdre son temps, aller faire des choses qui pourraient lui porter préjudice dans sa dunya et dans sa religion. Qui reste au masjid, qui prend le Coran, il récite, il lit, ou il lise un livre, ou s'il y a un ders, il participe à ce ders, ou à kazalik. Donc il dit fawaid al-hadith, les enseignements utiles du hadith. Fadilat salat al-rajul jama'a fil masjid. Le mérite de la salat en groupe de l'homme au masjid. Annaha tufaddil ou tufaddal ala salatihi fi bayti wa awsuqihi bi 25 di'fa. Et que celle-ci a plus de valeur 25 fois par rapport à sa salat dans sa maison ou dans son souk, le lieu de travail. Quand on dit souk, là-bas c'est le marché, mais le hadith veut dire par le lieu de travail. ثالثا ان اسباب التفضيل ما اشتملت عليه من تكميل الطهاره والخروج باخلاص الى الصلاه والمبادره بالصلاه ودخوله المسجد او دخوله المسجد وما نتج عن ذلك من ثواب الخطوات ودعاء الملائكه واجر انتظار الصلاه et justement ces causes qui amènent à cette préférence de cette salat en groupe et se basent sur plusieurs points comme le fait d'avoir une purification parfaite, complète, la sortie en étant sincère pour se rendre au masjid, pour aller faire la salat, le fait de rentrer au masjid, d'accord, et ce qu'il en résulte justement comme péché absous et comme élévation en degré. Et également, l'invocation des malaïka pour lui. Et la récompense d'attendre la prochaine salat. Rabi'an fadilat at-tathir bi taharat kamila qabla al-dhahab ila al-masjid. Le mérite de faire les accomplissions complètement, totalement, avant de se rendre au masjid. Et c'est ça la sunna, en réalité. C'est celui qui est chez lui, qui fasse les l'ozo avant de partir au masjid. C'est le meilleur. Plutôt que de partir, d'aller au masjid, faire l'ozo au masjid. C'est-à-dire, ça évite qu'il y ait la foule dans les lieux des ablutions. D'accord? En plus, il rentre, il est prêt. Il s'amuse, il arrive en retard, en route, il se passe quelque chose. Au moins, il rentre dans le masjid, il est directement prêt pour la salat. Wa kaza. Et, justement, la récompense qui vient là, dans ce hadith, de chaque pas qui sont levés et réalisés à l'écart, de chaque à fois un péché qui est levé par chaque pas, ou qu'il est élevé en degré par chaque pas, c'est qu'il a déjà fait ses ablutions avant de partir. Et qu'il est sorti avec les niyas de se rendre au masjid pour aller faire la salat. Et ça, les conditions également. Et pour avoir tout le reste. سابعا دعاء الملائكة بالصلاة والمغفرة والرحمة لمن صلى في المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة. Qui est également la vocation des malaïka pour que Allah fasse sa salat sur lui et qu'il lui pardonne et qu'il fasse miséricorde. Et cela, c'est pour celui qui aura fait la salat au masjid et qui sera ensuite assis pour attendre la salat suivante. ثامنا أن من صلى في المسجد وبقي في ينتظر الصلاة فلو ثواب الصلاة ما دام ينتظرها. Que celui qui a fait la salat dans le masjid et qui y reste pour attendre la prochaine salat, il aura la récompense de celui qui aura été constamment dans la salat. تاسعا إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. Non. Ensuite, par rapport au fait que dans les hadiths, certains citent 20 degrés, certains citent 25, certains citent 27, et Cheikh Al-Othaymine l'explique que, en fait, chez les. On cite, nous, on prend le hadith au sens de 27. Car le fait de dire 27 ne contredit pas le fait qu'il y ait 20 ou 25. D'accord ? Le fait qu'on dise 27 inclut le fait qu'il y ait 20 et 25. Donc il n'y a pas de contradiction. Et Kazalik, Sheikh Bassam lui dit que chez les Usuliyin, les gens des Usul, ils disent que le nombre lui-même ne doit pas être pris à la lettre. Ce qui montre, c'est que la salat elle a plus de valeur. Et 20, 25 et 27, ce sont des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas au nombre précis. D'accord ? On ne s'arrête pas au nombre précis dans cette situation-là. Dans des cas, non, le nombre, il est pris à la lettre. Mais à cet endroit-là, dans ce hadith-là, comme il y a différentes versions et différents nombres, c'est pour dire qu'en fait, il y a une bien plus grande récompense. Et que la salat est décuplée pour celui qui l'aura fait au masjid en jama'a. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.